Chapitre 3. Les vacances à présent, c'est l'affaire d'un mois et demi, quoi. Un mois, dit Vinca. Tu sais bien que je serai le 20 septembre à Paris. Pourquoi ? Ton père est libre jusqu'au 1er octobre tous les ans. Oui, mais maman et moi, et Lisette, nous n'avons pas trop de temps du 20 septembre au 4 octobre pour les affaires d'automne. Une robe pour aller au cours, un manteau, un chapeau pour moi, et la même chose pour Lisette. Je voulais dire nous, les femmes, enfin. Phil, couché sur le dos, jeta des poignées de sable en l'air. Ah là là, vous, les femmes, vous en faites des embarras pour tout ça. Il faut bien. Toi, tu trouves ton complet préparé sur ton lit. Tu t'occupes juste de tes chaussures parce que tu les achètes chez un marchand où ton père te défend d'aller. Le reste, ça te pousse tout seul. C'est bien commode, vous, les hommes. Philippe s'assit d'un coup de rein, prête à répondre à l'ironie. Mais Vinca ne se moquait pas. Elle cousait, bordant d'un feston rose une robe en crépon du même bleu que ses yeux. Ses cheveux blonds, taillés à la Jeanne d'Arc, allongeaient lentement. Elle les divisait quelquefois sur la nuque et liait, de rubans bleus, deux courts balais couleur de blé au long de chaque joue. Depuis le déjeuner, elle avait perdu un de ses rubans et la moitié de sa chevelure battait, en rideaux déployés, la moitié de son visage. Philippe fronça les sourcils. « Dieu, que tu es mal peigné, Vinca !» Elle rougit sous son hâle de vacances et lui jeta un humble regard en repoussant ses cheveux derrière l'oreille. « Je sais bien, je serai mal coiffée tant que mes cheveux seront trop courts. Cette coiffure-là, c'est en attendant. »« La laideur temporaire, ça t'est égal, » dit-il durement. « Je te jure que non, Phil !» Honteux de tant de douceur, il se tut. Et elle leva sur lui des yeux étonnés, car elle n'attendait point de mansuétude. Lui-même crut à une trêve passagère de susceptibilité et s'apprêta aux reproches, aux sarcasmes enfantins, à ce qu'il appelait l'humeur lévrière de sa petite compagne. Mais elle sourit mélancoliquement, d'un sourire errant qui s'adressait à la mer calme, au ciel où le vent haut dessinait des fougères de nuages. « J'ai, au contraire, très envie d'être jolie, je t'assure. Maman dit que je peux encore le devenir, mais qu'il faut patienter. » Ses 15 ans, fière et gauche, entraînée à la course, salée, durcie, maigre et solide, la rendait souvent pareille à une oussine cinglante et cassante. Mais ses yeux d'un bleu incomparable, sa bouche simple et saine, étaient des œuvres achevées de la grâce féminine. Patienter. Patienter. Phil se leva, gratta du bout de son espadrille la dune sèche, perlée de petits escargots vides. Un mot détesté venait d'empoisonner sa sieste heureuse de lycéen en vacances, dont les 16 ans vigoureux s'accommodaient d'oisiveté, de langueur immobile, mais que l'idée d'attente, de passive évolution exaspérait. Il tendit les poings, bomba sa poitrine demi-nue, défia l'horizon. « Patienter. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche tous. Toi, mon père, mes profs. Ah, bon Dieu !» Vinca cessa de coudre pour admirer son compagnon harmonieux que l'adolescence ne déformait pas. Brun, blanc, de moyenne taille, il croissait lentement et ressemblait, depuis l'âge de 14 ans, à un petit homme bien fait, un peu plus grand chaque année. Et que faire d'autre, Phil ? Il faut bien. Tu crois toujours que de tendre les deux bras et de jurer « Ah, bon Dieu !» ça y changera quelque chose. Tu ne seras pas plus malin que les autres. Tu te représenteras à ton bachot et si tu as de la chance, tu seras reçu. « Tais-toi » cria-t-il. « Tu parles comme ma mère. Et toi comme un enfant. Qu'est-ce que tu espères donc, mon pauvre petit, avec ton impatience ?» Les yeux noirs de Philippe la haïssaient parce qu'elle l'avait appelé « mon pauvre petit ».« Je n'espère rien, » dit-il tragiquement. « Je n'espère surtout pas que tu me comprennes. Tu es là avec ton feston rose, ta rentrée, ton cours, ton petit train-train. Moi, rien que l'idée que j'ai 16 ans et demi bientôt... » Les yeux de la pervenche, étincelant de larmes d'humiliation, réussirent à rire. « Ah oui ? Tu te sens le roi du monde parce que tu as 16 ans, n'est-ce pas? C'est le cinéma qui te fait cet effet-là. » Phil la prit par l'épaule, la secoua en maître. « Je te dis de te taire. Tu n'ouvres la bouche que pour dire une bêtise. Je crève, entends-tu? Je crève à l'idée que je n'ai que 16 ans. Ces années qui viennent, ces années de bachot, d'examen, d'institut professionnel, ces années de tâtonnement, de bégaiement, où il faut recommencer ce qu'on rate, où on remâche deux fois ce qu'on n'a pas digéré si on échoue. Ces années où il faut avoir l'air, devant papa et maman, d'aimer une carrière pour ne pas les désoler, et sentir qu'eux-mêmes se battent les flancs pour paraître infaillibles, quand ils n'en savent pas plus que moi sur moi. Oh, Vinca, Vinca, je déteste ce moment de ma vie. Pourquoi est-ce que je ne peux pas tout de suite avoir 25 ans ?» Il rayonnait d'intolérance et d'une sorte de désespoir traditionnel. La hâte de vieillir, le mépris d'un temps où le corps et l'âme fleurissent, changeaient en héros romantique cet enfant d'un petit industriel parisien. Il tomba assis aux pieds de Vinca et continua à se lamenter. « Tant d'années encore, Vinca, pendant lesquelles je ne serai qu'à peu près homme, à peu près libre, à peu près amoureux. » Elle posa sa main sur les cheveux noirs que le vent rebroussait, au niveau de ses genoux, et contint tout ce qu'une sagesse de femme agitait en elle. « À peu près amoureux ? On peut donc n'être qu'à peu près amoureux ?» Phil se tourna violemment vers son ami. « Toi, toi qui supportes tout ça, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Sous le noir regard, elle reprit sa petite figure incertaine. « Mais la même chose, Phil. Je ne passe pas mon bachot, moi. » « Tu seras quoi ? Tu te décides ou non pour le dessin industriel ? Ou la pharmacie ? Maman a dit... » Il rua de colère comme un poulain sans se lever. « Maman a dit... Oh, quelle graine d'esclave ! Qu'est-ce qu'elle a dit, maman ?»« Elle a dit, » répéta Vinca docilement, « qu'elle a des rhumatismes, que Lisette n'a que 8 ans, et que sans aller chercher si loin, j'ai de quoi m'occuper chez nous, que bientôt je tiendrai les comptes de la maison... Je devrais diriger l'éducation de Lisette, les domestiques, tout ça enfin. Tout ça, 3 fois rien. Que je me marierai. » Elle rougit. Sa main quitta les cheveux de Philippe et elle sembla espérer un mot qu'il ne prononça pas. Enfin que, jusqu'à ce que je me marie, j'ai de quoi m'occuper. Il se retourna, la toisa avec dédain. Et ça te suffit ? Ça te suffit pour... « Voyons, 5, 6 ans, peut-être plus. » Les yeux bleus vacillèrent, mais ne se détournèrent pas. « Oui, Phil, en attendant, puisqu'on n'a que 15 et 16 ans, puisqu'on est forcé d'attendre. » Il reçut le choc du mot détesté et faiblit. Encore une fois, la simplicité de sa petite compagne et la soumission qu'elle osait avouer, cette manière femelle de révérer des lards anciens et modestes, le laissait muet, déçu, mais vaguement apaisé. Eût-il accepté Vinca exubérante, le nez tourné vers l'aventure et piétinant, comme une cavale à l'entrave, devant le long et dur passage de l'adolescence ? Il appuya sa tête contre la robe de son ami d'enfance. Les genoux fins tressaillirent et se serrèrent, et Philippe songea, avec une fougue soudaine, à la forme charmante de ses genoux. Mais il ferma les yeux, livra le poids confiant de sa tête et demeura là, en attendant.